Praise the Lord. Hallelujah. Always know that your daddy is the best. Amen. Comprenez que votre père est toujours le meilleur. Amen. Whatever you are doing, allow it to be for his sake alone. Was immer du tust, lass zu, dass es um seinetwillen ist. Tout ce que tu fais, tu dois vraiment laisser que ça puisse être dans sa volonté, selon sa volonté. Allow your humility to be of Christ. Lass zu, dass deine Demut von Christus ist. Que ta humilité puisse être de Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, the natural world, they also humble themselves in a way. Amen. Die natürliche Welt demütigt sich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Le monde naturel est aussi en train de s'humilier dans leur propre façon. Our humility is based on Christ. Aber unsere Demut basiert auf Christus. Mais notre humilité c'est basé de Jésus-Christ. Our accepting one another is based on Christ. Einander zu akzeptieren basiert auf Christus. Quand on s'accepte l'un vers l'autre, c'est pour Jésus-Christ. Where we are there for one another is based on Christ. So wie wir einander da sind, ist wegen Jesus Christus. Même quand on est là l'un pour l'autre, c'est pour Jésus-Christ. If we see one another, we can never continue in Christ. Wenn wir einander sehen, werden wir niemals in Christus weitermachen. Si on se voit l'un vers l'autre, la chair de l'autre, on va jamais continuer en Jésus-Christ. If we see ourselves, we will never continue in Christ. Wenn wir uns selbst sehen, werden wir niemals weitermachen in Christus. Mais si on continue à se voir soi-même, on pourrait jamais bien continuer en Jésus-Christ. Your greatest enemy is you. Unser größter Feind sind wir selbst. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Amen. Amen. Your greatest enemy is you. Unser größter Feind sind wir selbst. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. If you are thinking of what people have done to you, what about what you have done to Christ? Wenn du über die Dinge nachdenkst, die Menschen dir angetan haben, was hast du Christus angetan? Si tu continues à penser à ce que les gens ont fait contre toi, et quand il s'agit de toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait aussi beaucoup de mal à Jésus-Christ. Amen. Amen. If you are able to see what Christ, what you have done to Christ, you will not see what people have been doing to you. Wenn du sehen würdest, was du Christus angetan hast, dann würdest du nicht auf das schauen, was Leute dir angetan haben. Si tu es capable de voir ce que toi tu as fait à Jésus-Christ, là tu seras aussi, tu seras même pas capable de voir ce que les gens ont fait contre toi. You have done worse to Christ than anybody have ever done anything to you. Wir haben Schlimmeres Jesus Christus angetan, als das, was wir irgendjemand angetan haben. Tu as fait à Jésus-Christ, tu lui as causé plus de chagrin, plus que quelqu'un d'autre puisse le faire vers toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu lui as fait plus de mal. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with our message, which is understanding Christ's kingdom. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, das Königreich von Jesus Christus verstehen. On va continuer avec notre message qui s'agit de comprendre le royaume des cieux. Amen. Amen. You know, this message, if we can really understand it, we free us from the bondages of Satan. Wenn wir diese Botschaft wirklich verstehen, kann sie uns von der Gefangenschaft des Satans befreien. Si on est capable de comprendre ce message là, on est libéré de la captivité du diable. Just like this last Sunday's message, it's about our freedom and our protection. Genauso wie die Predigt von letzten Sonntag, sie ist über unsere Freiheit, unseren Schutz. Dans le message de la semaine passée, il s'agissait de notre liberté et de notre protection en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. The Lord wants us to understand him and never to be confused of him. Amen. Der Herr veut, dass wir ihn verstehen, dass wir nicht verwirrt sind. L'Éternel veut qu'on puisse lui comprendre, qu'on ne puisse pas être confus. Amen. There is a way the Lord wants us to know him and understand him. Es gibt einen Weg, wie der Herr möchte, dass wir ihn verstehen und erkennen. Il y a une manière laquelle l'Éternel veut qu'on puisse le comprendre et le connaître. Amen. Amen. And that is the way he wants us to know him and understand him. Und so sollen wir ihn verstehen und kennen. Et c'est seulement dans cette manière-là, il veut qu'on puisse le connaître et le comprendre. Because there is opposition. Denn es gibt einen Feind. Parce qu'il y en a une opposition. Called the devil. Der Satan. Et l'opposition, c'est du diable. That also have his own way that he wants us to know Christ and understand Christ. Der auch seine eigenen Wege hat und er möchte auch, dass wir Jesus auf eine bestimmte Art und Weise verstehen. Et c'est le diable lui aussi, il a sa propre manière et il veut aussi qu'on puisse comprendre ce monde dans sa propre manière. If you see religion today, how they know Christ, you can see that Satan really have his own way. How people should know Christ and understand Christ. Zum Beispiel Religion, es zeigt, wie verdreht der Teufel möchte, dass wir Gott sehen und kennen. Si par exemple tu regardes la religion, tu vas voir comment le diable veut qu'on puisse comprendre Jésus-Christ, qu'on puisse comprendre l'Éternel dans une manière vraiment très bizarre. That is why Satan does not care if the Lord reveals anything to you. Deswegen ist dem Satan egal, ob der Herr dir etwas offenbart hat. Et c'est pour cela le diable lui ça l'intéresse pas si l'Éternel t'a déjà révélé quelque chose. Because he knows that the Lord's ways and his own ways are two different ways. Denn er weiß, dass seine Wege und die Wege des Herrn unterschiedlich sind. Parce que le diable sait que ses propres chemins et le chemin de l'Éternel, ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. He knows that he can still succeed in taking you through his own ways. Er kann immer noch dafür sorgen. Though the revelation might be from the Lord himself. Er kann immer noch dafür sorgen, dass du aber auf teuflische Weise an das kommst, was der Herr dir offenbart hat, obwohl es das gleiche Ziel ist. Parce que le diable lui sait que malgré l'Éternel t'a déjà révélé quelque chose, a un plan pour toi, il a aussi un chemin ou bien un moyen où lui il va te confondre pour aussi arriver à voir ce que l'Éternel t'a révélé, mais c'est une manière démoniaque. And that's why it is not the end result, it's how you get there. Deswegen geht es nicht um das Ziel, sondern den Weg dorthin. Et c'est pour cela il s'agit jamais de du résultat, mais de la manière laquelle tu es arrivé là à ton résultat. You allow him to be the way. Tu laisses sous dass er der Weg ist. Tu dois autoriser à l'Éternel d'être le moyen ou bien le chemin. Like the book of Isaiah said, he said his ways is different from man's ways. In Isaiah steht, dass seine Wege anders sind als die Wege der Menschen. Tout comme dans Isaïe, il est écrit que le chemin de l'Éternel c'est différent que le chemin des êtres humains. For the true God children, Christ's ways should be our ways. Für die wahren Kinder Gottes sollten die Wege von Christus unsere Wege sein. Pour les vrais enfants de Dieu, de l'Éternel, les chemins de l'Éternel doivent être aussi notre chemin. Praise the Lord. Amen. Let us go to John 10, please. Johannes 10. On va lire Jean 10. Amen. Amen. John 10. Johannes from 10. From 1 to 4. He said, verily, verily, I say unto you. Jean 10, 1 à 4. He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way. The same is a thief and a robber. Praise the Lord. Hallelujah. Here is telling us that there is another way. Ici, ça nous fait voir qu'il y a un autre moyen aussi, un autre chemin. Somebody get in it. Amen. The way that does not belong to the Lord. Ein Weg, der nicht zum Herrn gehört. Un chemin qui n'appartient pas à l'Éternel. Where you can get whatever you even desire. Wo du das bekommen kannst, was du dir wünschst. Un chemin là où tu peux avoir ou bien obtenir ce que tu es en train de désirer. Satan's evil ways. Die bösen Wege des Satans. Les chemins, les mauvais chemins du diable. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. And then verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Praise the Lord. Amen. That's why it is not the end result. It is how you get it. Deswegen geht es nicht um das Endresultat, sondern wie du die Sachen bekommst. Et c'est pour cela, il ne s'agit pas de ton résultat, mais il s'agit du chemin laquelle tu as pris pour y arriver. Verse 2. It says, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. 3. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name. Praise the Lord. Amen. He have his own name for us. Er hat seinen eigenen Namen für uns. Il a son propre nom pour nous. He said, and leadeth them out. Amen. Und führt sie heraus. Et puis il est en train de les... Verse 4. 4. Et il les fait sortir de l'enclos. Verset 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him. But they know, for they know his voice. Mm. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. We know the voice of our Father. Wir kennen die Stimme unseres Vaters. On connaît la voix de notre Père. Amen. Amen. Satan have his own evil understanding of things. Hat sein eigenes bösartiges Verstehen von Dingen. le diable, il a sa propre compréhension, mauvaise compréhension des histoires. Amen. The way he wants you to understand things. Der Weg, wie er möchte, dass du Sachen verstehst. Er hat seine eigenen Wege. Le diable a sa propre manière qu'il veut que tu puisses comprendre les choses. He has his own understanding. Er hat sein eigenes Verstehen. Il a sa propre compréhension. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Christ have different ways of protecting us. Christus hat unterschiedliche Weise, wie er uns schützt. Mais l'Éternel a des chemins différents comment il nous protège. Amen. And so also he have different ways of protecting our lives. Er hat unterschiedliche Wege, wie er unser Leben schützt. Et c'est pour cela il a aussi comme des chemins différents comment il est en train de protéger notre vie. He have different ways of protecting the life he has given us, given to us. Zu schützen, was er uns geschenkt hat. Et il a aussi des chemins différents lesquels il utilise pour protéger tout ce qu'il nous a donné. Protecting his joy, the joy he has given to us. Die Freude, die er uns gegeben hat. Pour protéger la vie ou bien la joie qu'il nous a donnée. Protecting his peace, the peace he has given to us. My peace I give unto you, not as the world giveth. He wants you to have his own way of protecting that peace. Er hat seine eigene Art und Weise, wie er diesen Frieden bewahrt. Il a son propre chemin de protéger la paix qu'il t'a donnée. Amen. He also is rest. He wants us to rest. Auch seine Ruhe, er möchte, dass wir uns ausruhen. Même son calme, son repos, il a aussi un propre chemin pour and protéger all notre things, son repos qu'il nous a donné. All other things, including our salvation. Und alle anderen Dinge und dazu gehört auch unsere Rettung. Et toute autre chose aussi, comment il les protège, y compris aussi notre salut. Praise the Lord. Amen. Amen. Everything of Christ are hidden. Everything of Christ are hidden. Alles von Christus ist verborgen. Tout ce qui est de Dieu est vraiment est caché. So also are those of Satan. So sind auch die Sachen des Satans. Tout comme les choses du diable, lui aussi il a ses histoires qui sont cachées. Amen. Satan's lies are so hidden. Die Lügen des Satans sind so verborgen. Les mensonges du diable sont vraiment cachés. It takes Christ's revelation to know to detect the lies of Satan. Es braucht die Offenbarung von Christus, um die Lügen des Satans zu erkennen. Tu as vraiment besoin de la vérité de Jésus-Christ pour reconnaître les mensonges du diable. Amen. Amen. You know, for Jesus to tell Peter, "Get behind me, Satan." You know what Peter said was not even bad. According to the word system. Dass Jesus in der Lage war, zu Petrus zu sagen. That it was the lies of Satan. Weiche von mir, Satan. Das war wegen der Wahrheit, weil das, was Petrus gesagt hat, war eigentlich gar nicht schlecht, aber es war menschlich. Par exemple, quand Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, ce que Pierre a dit dans ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais c'était vraiment charnel. Et Jésus-Christ, il a pu dire, arrière de moi, Satan, à cause de la vérité, parce que charnellement, ce n'est pas quelque chose de grave. That is why you discern the spirit that is always speaking. Deswegen müssen wir immer den Geist erkennen, der spricht. Et c'est pour cela c'est vraiment important de reconnaître l'esprit qui est en train de parler. We know the world system, what they are saying is good. Wir wissen, was diese Welt als gut bezeichnet. On sait, on connaît ce que le monde appelle quelque chose de bien. We know the world system, what they call good. Wir wissen, was das Weltsystem gut nennt. On sait comment le système de ce monde, le bien, le succès de ce monde, c'est qu'ils appellent quelque chose de bien. It will take Christ for you to know that they are lies. Es wird Christus brauchen, um zu wissen, dass es eine Lüge ist. Et tu as vraiment besoin de Jésus-Christ pour reconnaître que ce qu'eux, ils appellent, de reconnaître que le bien de ce monde n'est pas le bien de Jésus-Christ. Notice to know that they are lies. Zu wissen, dass es Lügen sind. De reconnaître, de connaître que ce sont des mensonges. Erkenntnis. Amen. Connaissance. Knowledge. Erkenntnis. La connaissance. God did not blame destruction on Satan. Der Teufel, Gott hat die Zerstörung, hat nicht den Satan für die Zerstörung verantwortlich gemacht. L'Éternel n'a pas, il n'a pas dit que le diable est responsable de la destruction. He blamed it on knowledge, lack of knowledge. The people are perished for lack of knowledge. Sondern der Mangel der Erkenntnis ist der Grund der Zerstörung. Il a dit que c'est la manquance. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance parce que c'est la manque de connaissance qui est la raison de la destruction. Amen. Lack of knowing the lies of Satan and rejecting them. Die Lügen des Satans nicht because erkennen. The trials that come against you, you are to reject them. You are to destroy them. Wir müssen jegliche Zunge, die sich gegen uns richtet, zerstören donc, mit der Wahrheit. Donc ce qui nous détruit est le fait qu'on n'est pas capable à connaître ou bien reconnaître les mensonges du diable, parce que quand on écoute ces mensonges, on doit être capable à les détruire. Mais vu qu'on ne le fait pas, on est en train d'accepter ça, et c'est ça qui nous détruit, c'est même pas le diable. Amen. Amen. Just like everything of Christ are hidden, so also that of Satan. They are all hidden. Genauso wie alles von Christus verborgen ist, sind auch die Dinge des Satans verborgen. Tout comme toutes les histoires de Jésus-Christ sont des sont cachées, c'est comme ça aussi les choses du diable sont aussi cachées, ses mensonges sont cachés. It takes Christ to know Satan's lies. Es braucht Christus, um die Lügen des Satans zu erkennen. Tu as besoin de Jésus-Christ pour détecter les mensonges du diable. They are so hidden. Sind so verborgen. Parce que les mensonges du diable sont vraiment praise cachés. Praise the Lord. Amen. The Bible said that Satan blinded the mind of the people of this world. Weil der Satan hat den Menschen die Sinne verblendet. La Bible dit que le diable, il a vraiment aveuglé la compréhension de monde de ce monde, des gens de ce monde. The God of this world, amen. After the fall, Satan became the God of this world. Nach dem Sündenfall wurde der Satan zum Gott dieser Welt. Après la chute de l'homme, le diable est devenu le dieu de ce monde. He blinded the people's mind never to see Christ. Er hat die Sinne der Menschen verblendet, damit sie Christus nicht erkennen. Il a vraiment aveuglé les sens de l'être humain pour ne pas être capable de reconnaître l'éternel. Er hat sie auch verblendet, dass sie ihn selbst noch nicht mehr erkennen. Le diable les a vraiment aveuglés pour ne même pas être capable de lui reconnaître lui-même aussi le diable. Ils ne connaissent pas, ils pensent que le diable aussi n'existe pas. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 11, verse 27. Let's go there, please. Matthew 11. Matthew 11. On va lire Matthieu 11, verset 27. Praise the Lord. Matthew 11, verse 27. Matthieu 11, verset 27. Amen. Amen. He said, all things are delivered unto me of my Father. All things. Alles. Not some few things. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Donc, toutes choses. And that's why if you have Jesus, you have all things. Amen. Wenn wir Jesus haben, haben wir alle Dinge. Also. Et c'est pour cela, quand tu as Jésus-Christ, tu as toutes choses. He never come empty-handed into you. Er kommt nicht mit leeren Händen zu uns. Il vient jamais à main vide vers nous. He come into you with all things that his Father have given him. Jesus kommt mit all den Dingen, die sein Vater ihm gegeben hat. Jésus-Christ vient avec toutes choses que l'Éternel nous a donné. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. Amen. Amen. Praise the Lord. Personne ne reconnaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Because the natural man cannot know the things of the Spirit. Remember, God is Spirit. Erinnert euch, Gott ist Geist. L'homme naturel ne peut pas voir, connaître ou bien comprendre l'Esprit. Rappelez-vous que l'Éternel, c'est Dieu, c'est éternel, il est Esprit. Amen. Amen. Then Jesus now said, continue. He said, save the Son, and he to whosoever the Son will reveal he. The Son is the one to reveal the Father to us. Der Sohn ist derjenige, der den Vater offenbart, uns offenbart. C'est le Fils qui est en train de révéler le Père, qui nous révèle le Père. Praise the Lord. Hallelujah. Until you know the Father, you cannot know the lies of Satan. Erst wenn wir den Vater kennen, werden wir die Lügen des Satans erkennen. Comprendre les mensonges du diable seulement si tu connais le Père. Amen. Amen. Until you know the truth, you can never know the lies. Erst wenn wir die Wahrheit kennen, können wir die Lügen erkennen. Tu vas seulement comprendre les mensonges, connaître les mensonges, si tu connais la vérité. Amen. Mm. Until you know the real money, the good money, you can never know the counterfeit. Du wirst falsch Geld erst erkennen, wenn du dir Zeit nimmst, einen originalen Schein wirklich zu studieren und zu erkennen, dann wirst du auch immer wieder sehen, welcher Schein ein falscher Schein ist, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, wie ein richtiger Schein genau aussieht, welche Merkmale er hat. Mm-hmm. Tu seras capable de connaître l'argent, la monnaie qui n'est pas une fausse monnaie. Un faux billet. Tu vas comprendre, connaître un faux billet seulement si tu es capable de connaître un vrai billet. Donc, si tu ne connais pas un vrai billet, tu ne seras pas capable de remarquer qu'un billet est faux. Amen. Amen. Until you know the truth, what Christ called the truth, and not what religion called the truth, mm-hmm. you can never know the lies of Satan. Bis wir die Wahrheit kennen, das, was Christus die Wahrheit nennt, werden wir die Lügen des Satans erst erkennen können. Tout comme si tu n'es pas capable à connaître la vérité, ce que Jésus-Christ appelle la vérité, là tu n'es même pas capable à détecter ou bien de reconnaître les mensonges du diable. Amen. Amen. You don't need to study the lies of Satan. You just allow your focus to be Christ. Christ will teach you himself. Will reveal himself to you, then you will know the lies of Satan. Du musst die Lügen des Satans nicht alle auswendig kennen. Du musst nicht alle Irrlehren kennen, alle Religionen kennen, sondern du musst immer nur die Wahrheit kennen. Dann wird dir klar sein, was Religion ist und was Irrlehre ist. Tu ne dois pas connaître les mensonges du diable. Tu ne dois pas connaître les mensonges du diable pour être sûr. Tu dois d'abord connaître la vérité pour détecter les mensonges. Amen. You know, for me to know counterfeit, I don't need to know all the counterfeit in this world to study them. And what I only need to do is just study the good one, the real money. Then when once counterfeit come, I already notice it. Genau, ich muss Amen. Mich mit allen. Because for you to study all the counterfeit, you cannot even study. There are so many. Amen. You just concentrate on the good one and handle it. How you can feel it, how you can see it, how it sound. Then immediately the fake one comes, you know already. Amen. Ich muss mich nicht mit jeder Art von Falschgeld auseinandersetzen, die es auf dieser Welt gibt, damit ich falsche Scheine erkennen kann. Ich muss mich einfach nur konzentrieren auf diesen richtigen Schein. Und egal, was man mir bringt, ob es eine Fälschung aus Asien ist, ob es eine Fälschung aus Australien ist, ich werde immer wieder erkennen, was der wahrhaftige Schein ist, weil ich mich mit dem richtigen Schein auseinandergesetzt habe. On doit être capable à être concentré vraiment à la vérité de l'Éternel pour reconnaître les mauvaises choses, parce que c'est tout comme avec les faux billets. Tu ne peux pas être capable, tu n'es pas capable à connaître ou bien à étudier toutes choses, toutes sortes de faux billets dans ce monde parce qu'il y en a vraiment plusieurs, beaucoup en fait. Et c'est pour cela que c'est important de connaître la vraie monnaie, de l'étudier pour être sûr que n'importe à quel moment qu'on va te donner un faux billet, tu vas le reconnaître parce que tu connais le vrai billet. Et c'est comme ça que ça doit aussi être avec la vérité. Tu dois d'abord connaître la vérité, ta concentration doit être sur Jésus-Christ pour être capable de détecter les mensonges. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And that is why it's so good to know our Father. Deswegen ist es so gut, unseren Vater zu kennen. Et c'est pour cela, c'est vraiment important de connaître notre Once Père. Once you know him and know his truth, know his ways, once that of Satan comes, you know him immediately. Wenn du ihn kennst und seine Wege kennst, sobald die Wege des Satans kommen, wirst du es direkt erkennen. Si tu connais ton Père et tu as vraiment compris ton Père, dès que le diable vient avec ses mensonges, tu es vraiment direct, tu es vite à comprendre que c'est lui et Amen. Que c'est pas la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also, and if you go to, let me see. You know, Jesus said he knows his Father. Jesus sagt, er kennt seinen Vater. Jésus-Christ a dit qu'il connaît son Père. He said, if I say I don't know him, I will be a liar like you. Wenn er sagen würde, dass er ihn nicht kennt, dann wäre er genau so ein Lügner. That's the book of John. Amen. Dans Jean, il a dit que si je dis que je ne connais pas mon Père, je serai un menteur comme vous. And that is how we are to know Christ. Und so sicher müssen wir uns auch mit Christus sein. Et c'est de la même manière qu'on doit être vraiment sûr et connaître Jésus-Christ. Es ist so gut, Christus zu kennen. C'est vraiment bien de connaître Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Immediately you see another that is claiming to be Christ, you know that this is fake. Und sobald etwas siehst, was behauptet, Christus zu sein, weißt du direkt, dass es falsch ist. Tu dois vraiment lui connaître que au point que dès que tu vois quelqu'un qui est en train de prétendre d'être Jésus-Christ, tu sais directement que ce sont des mensonges, que ce n'est pas ton Père. Jesus said he is the one to reveal his Father to us. Mm-hmm. Amen. Jesus sagt, ich bin erstejenige, der uns seinen Vater offenbaren muss. Jésus-Christ, il a dit que c'est lui la personne qui va nous révéler son Père. Religion cannot reveal Christ to you. Religion kann uns Christus nicht offenbaren. La religion ne peut pas nous révéler Jésus-Christ. Amen. Whatever comes from religion, they are lies. Was immer von Religion kommt, sind Lügen. Tout ce qui vient de la religion, ce sont des mensonges. Jesus in John 8 called your father a liar. Jesus sagt in Johannes 8, dass ihr Vater ein Lügner ist. The father of all lies. Der Vater aller Lügen. Jésus-Christ a appelé leur il a dit aux gens que votre père c'est le père de tous les mensonges. Amen. Amen. Religion cannot reveal Christ to us. Religion kann uns Christus nicht offenbaren. La religion n'est pas capable de nous révéler la vérité. Amen. Amen. Just like Satan cannot reveal Christ to us. Genauso wie Satan uns Jesus nicht offenbaren kann. Tout comme le diable n'est pas capable de nous révéler Jésus-Christ. Amen. On Sunday we learn a lot of things concerning mate and marriage. Am Sonntag haben wir viel gelernt über Ehe und Partnerschaft. Dimanche on a vraiment beaucoup parlé à ce qui concerne le mariage ou bien d'avoir un partenaire. Amen. Christ wants us to be free from the bondage of the flesh. Christus will, dass wir frei sind von der Gefangenschaft des Fleisches. Jésus-Christ veut qu'on puisse être libéré de la captivité de la chair. He wants us to be free from the bondage of self. Er will, dass wir frei sind von der Gefangenschaft des Fleisches. Il veut nous libérer de la captivité de soi, du soi. He wants us to be free from the bondage of five senses. Frei von der Gefangenschaft der fünf Sinne. Il veut nous libérer de la captivité de cinq sens. Amen. Amen. That is where jealousy, hatred, bitterness, including a lot of evil, all the properties, weapons of Satan, they are being used. Und von da kommen die ganzen Waffen Satans. He used them through the flesh. Er nutzt sie durch das Fleisch. Et c'est à travers ça le diable vient. Le diable utilise la chair pour il amène à travers la chair il amène tous ses armes, par exemple la jalousie, des histoires comme ça. He uses them through your five senses. Il utilise ses armes à travers nos cinq sens. Amen. Satan love your five senses. Satan liebt unsere fünf Sinne. Le diable lui il aime nos cinq sens. Amen. He loves it so much. Il adore nos cinq sens. You know when two people are gathered together, they are talking and you are not there, but you see them. You know you will feel somehow. Amen. Satan is the master of injecting things into you. Der Satan ist der Meister von Gedanken geben und Dinge in uns hineinsetzen, die wir sehen. Beispielsweise, wenn wir sehen, dass zwei Menschen sich unterhalten, wir nicht Teile dieser Unterhaltung sind, dass der Teufel direkt diese Gedanken bringt, dass wir uns ausgeschlossen fühlen oder uns anders fühlen. Le diable, lui, il aime vraiment. Nous manipuler, par exemple, quand il voit que deux ou trois personnes sont en train de parler et toi tu n'es pas au milieu, tu vas commencer à avoir l'impression comme si les gens ne veulent pas que tu puisses être part d'eux ou bien tu puisses passer du temps avec eux, ils sont contre toi, par exemple. Ça, ce sont des sentiments que le diable emmène pour vous détruire, par exemple. Satan love our natural five senses. Satan liebt unsere natürlichen fünf Sinne. Le diable aime nos cinq sens naturels. What we see, what we hear, what we feel, what we smell and what we taste. Was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken. Tout ce qu'on voit, ce qu'on est en train de goûter, ce qu'on entend ou bien ce qu'on est capable de toucher. Ce sont les cinq sens que le diable aime. Most of us only know of what we see, hear and feel. Einige von uns wissen nur von dem, was wir sehen, hören und fühlen. La plupart de nous savent que le diable utilise les cinq sens quand il s'agit d'écouter, de voir ou bien de sentir, d'avoir des sentiments, par exemple. Amen. Ça, on le connaît. But not what we taste or smell. Aber nicht, was wir schmecken oder riechen. Mais quand il s'agit de ce qu'on est en train de goûter ou bien de sentir, avec les odeurs, par exemple, on ne sait pas comment le diable est en train de l'utiliser, par exemple. Think of whatever taste, whatever you can taste. Denk über die Sachen nach, die du schmecken kannst. Pense pense des choses que tu es capable de sentir ou bien de goûter. Amen. If I see, you know, if I want to say one food, for example. Beispiel, Essen. Par exemple, de la nourriture. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan really tried in this world. Der Satan hat echt gekämpft auf dieser Welt. Le diable est en train vraiment de combattre dans ce monde. Amen. De battre ce monde. You know, if people marry somebody that cannot cook today, it's a problem. Wenn Menschen, especially maybe here in Europe, they might not even see it as anything, but in Africa, it's a big problem. If you cannot cook, in einigen or don't Kulturen, know how to cook. Besonders in der afrikanischen Kultur ist es wie eine Schande, wenn eine Frau beispielsweise in der Ehe ist und nicht kochen kann. Ici par exemple, surtout dans l'Afrique, dans la culture africaine, c'est vraiment honteux quand une femme, par exemple, est en train de se marier et ne sait pas cuisiner. Remember, once you are married, amen. If the Lord is the one that joins you together, it means it's Christ and Christ married to one another. Aber erinnert euch an die Botschaft von Sonntag, dass wenn Christus euch zusammengeführt hat, dann ist es Christus, der Christus geheiratet hat. Et rappelez-vous du message de dimanche que quand tu maries une femme ou bien un homme, c'est Jésus-Christ et lui-même qui vous est tu es en train de te marier, Jésus et Jésus. The Bible said the marriage is honorable. It is when it is Christ married to Christ that is honorable. Und die Bibel nennt es, dass diese Ehe ehrenvoll ist. Und sie ist aber nur ehrenvoll, wenn sie wenn Christus Christus heiratet, also wenn der Christus in einer Person den Christus in einer anderen Person heiratet. Ben, je veux me corriger en fait quand la Bible dit que un mariage est seulement honorable quand c'est Jésus-Christ qui les a unis, parce que c'est le Christ dans ton partenaire que tu vois et l'autre voit aussi le Christ en toi. Donc c'est comme si Jésus-Christ marie Jésus-Christ. Donc dans vous deux, il y a le même Jésus-Christ que vous êtes en train de marier. Imagine when, you know, just think of it, if Christ cooked for you. Wenn Christus für dich kochen würde. Imagine toi, c'est comme si, genre, c'est Jésus-Christ qui est en train de cuisiner pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. It might not taste the way you want it to taste. Es vielleicht because so, it's not going to give you what you would like. Wie du es dir vorstellst, weil er dir nicht das geben wird, was dir passt. Par exemple, si Jésus-Christ est en train de cuisiner pour toi, peut-être c'est... ça sera pas bon comme tu es en train de penser ou bien d'espérer, parce que de toute façon la Bible dit aussi qu'il va même pas te donner celle que toi tu aimes. Whatever the Lord cook for you is always the best. Was immer der Herr für dich kocht, ist immer das Beste. N'importe quelle chose l'Éternel est en train, ou bien Jésus-Christ est en train de cuisiner pour toi, c'est toujours la meilleure chose, la meilleure recette. Amen. You now eat and enjoy whatever Christ cook for you. Du isst und genießt, was immer Christus für dich kocht. Tu vas manger et savourer n'importe quelle chose Jésus-Christ va cuisiner pour toi. I mean your wife. Und ich meine damit deine Frau. Et quand je dis Jésus-Christ, là je parle de ta femme. Amen. No one is married to the body. Niemand ist verheiratet mit dem Körper. Il y a personne qui est marié au corps, donc oui. We are all married to the Spirit. Wir sind verheiratet mit dem Geist. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes mariés avec l'Esprit. Is it Christ or Satan? Entweder mit Christus oder mit Satan. Tu es marié ou avec Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, ou bien l'Esprit du diable. Amen. Remember, Christ is always the same, yesterday, today and forever. Erinnert euch, Christus ist immer der gleiche, gestern, heute und für immer. Rappelle-toi, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. You know, Satan is unpredictable. Der Satan ist... unberechenbar. Le diable, lui, il est vraiment malin. Once you are married to him, it can't be good according to the good of this world today. But tomorrow it can start even beating you. What change? It's not about the body, it's the inside. Mm. Und wir sehen das halt auch im Fleisch. Also wenn Menschen mit dem Satan verheiratet sind, also mit Menschen verheiratet sind, die Jesus nicht haben, dass diese Menschen heute ne, süß und nett und toll sind zu dir und dir alles geben und schenken. Und auf einmal nächste Woche fängt diese Person an, dich zu misshandeln, dich zu schlagen, dich zu bestehlen und alles zu machen. Und das Äußere dieser Person hat sich nicht geändert. Diese Person hat nicht auf einmal eine andere Haarfarbe, andere Augenfarbe oder ist dicker oder dünner, sondern von äußerlich, vom Körperchen ist immer noch die gleiche Person. Aber das, was sich geändert hat, ist ihr Inneres, weil der Satan eben ist unpredictable. Ist unberechenbar. Le diable, il est vraiment imprévisible, par exemple. Et tu le vois, par exemple, quand un couple mondaine est en train de se marier, par exemple, tu vas voir, on écoute souvent dire que oui, j'ai marié une femme ou bien un homme, il était vraiment bien, bon caractère, mais dès qu'ils sont arrivés dans le mariage, après une année ou deux ans, la personne a changé complètement. Et quand il dit que la personne a changé, c'est pas physiquement. Tu vas voir le caractère de la personne, la personne est devenue méchante, est en train de t'insulter, vraiment impolie, des histoires comme ça. C'est ça que les gens disent que la personne a changé. Et c'est ça qu'on dit que le diable est vraiment, comment on appelle, imprévisible. Praise the Lord. If Jesus is married to Jesus, the joy, the peace, everything in that family. Mm-hmm. They are the same yesterday, today, and amen, forever. Amen. Aber bei Jesus, wenn Jesus mit Jesus verheiratet ist, dann ist diese Freude, dieser Frieden für immer, weil immer gleich ist. Mais Jésus-Christ, par contre, quand ses enfants de Dieu sont en train de se marier, vu que c'est lui qui est en train de régner dans ce foyer, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce mariage aussi, ça ne va pas changer, ça ne sera pas comme le diable, que la femme ou bien l'homme change sa face, ou bien devient à un caractère bizarre là, mais c'est le même Jésus-Christ en eux qui va rester le même, même la joie, la paix, ça va rester la même. As a child of God, you know, you now enjoy whatever your father cooked for you. Als ein Kind Gottes genießt wir dann das, was der Vater für uns gekocht hat. Étant un enfant de Dieu, tu vas vraiment savourer n'importe quelle quelle nourriture l'Éternel a cuisiné pour toi. Amen. Naturally, it might be tasteless. Natürlich gesehen ist es vielleicht ohne Geschmack, schmeckt nach nichts. Naturellement, ça peut être que c'est même pas bon. Amen. But the Bible says we can do all things through Christ. Die Bibel sagt, wir können alles tun durch Christus, der uns stark macht. Mais la Bible dit qu'on peut faire tout à travers Jésus-Christ qui nous donne la force. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Again, I mean your wife, whatever your wife. You know, if you are the true God family, Christ family. Amen. There is nothing like my wife does not know how to cook. Wenn du zur Familie von Christus gehörst und eine Familie in Christus hast, dann gibt es nichts wie meine Frau kann nicht kochen. Quand tu es de la famille de Jésus-Christ et tu appartiens à la famille de Jésus-Christ, tu vas jamais dire que oui, ma femme ne sait pas cuisiner. Christ always knows how to do everything. Christus weiß mal, wie er alles zu tun hat. Parce que tu vas seulement considérer le Jésus-Christ en elle. Et Jésus-Christ sait toujours faire. Ici, il est capable de faire toutes choses. Il sait comment cuisiner. Amen. Amen. What used to be tasteless, but through Christ, it's now delicious. Was ohne Geschmack war, ist jetzt mit Christus richtig lecker. Une chose qui n'avait même pas un goût, qui n'avait pas de goût, mais avec Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, c'est vraiment, c'est très, vraiment très bon. Praise the Lord. Alléluia. Remember where we read some minutes ago in Matthew 11:27. He said, all things are delivered unto me of my Father. All things. To enjoy all things. Alle Dinge sind mir von meinem Vater gegeben, damit alle Dinge genießbar sind. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit que mon Père m'a donné toutes choses. Il a fait ça parce qu'il veut que toutes choses puissent être vraiment... puisse avoir du goût. What Christ called good things. Was Christus gut nennt. C'est que Jésus-Christ appelle bonne chose. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ's sake, you know you can do all things through Christ. Durch Christus kannst du alle Dinge tun. À travers Jésus-Christ, on peut faire toutes choses. Without the Holy Spirit, Christ can never do anything with you and through you. Ohne den Heiligen Geist kann ohne den Heiligen Geist kann Christus nichts durch uns und für uns tun. Ja. Mm-hmm. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne peut rien faire à travers nous. Let me put it this way again. Without the Holy Spirit, Christ can never do anything without the power of the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist kann Christus nichts tun ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel ne peut rien faire à travers nous. Amen. We do everything in Christ Jesus. Wir tun alles in Christus Jesus. Amen. On fait tout à travers Jésus-Christ. Whatever I'm doing, if I'm enjoying any food, it's because of Christ Jesus. Was immer ich tue, wenn ich irgendein Essen genieße, das ist wegen Christus Jesus. Tout ce que je fais, même si je suis en train de manger n'importe quelle nourriture, je le fais à travers Jésus-Christ. If you go to Colossians 3, there is there. Amen. Go to Colossians 3. Colossiens 3. On va lire Colossiens 3. Praise the Lord. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens 3. Verse 16 and 17. Colossiens 3, versets 16 et 17. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another. No, when any time I'm reading here, it's as if it reminds me of this ministry, how we are there for one another. It's always Christ, Christ, Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anytime we are reading here, it reminds me of this ministry all so much. Wenn ich das lese, erinnert mich das an diese Gemeinde. Tout ce quand je, toujours, toujours quand je lis ce verset ici, que la parole de Dieu résidère au milieu de nous, je pense toujours à ce ministère ici. Amen. You know, the Bible says meditate in my word both day and night. I know, you know, through this ministry, and I know that we can really meditate in the word of Christ both day and night. People sagt, dass wir because we never gather without speech. You know, speaking it. Dass wir Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen sollen. Und diese Gemeinde zeigt, dass es wirklich so ist, weil wir uns niemals versammeln, ohne über Christus zu reden. Parce que l'Éternel a dit qu'on doit vraiment, on doit méditer sur sa parole chaque jour et nuit. Et je vois ici dans notre assemblée, on n'est jamais ici sans la parole de Dieu. We can hardly say things without saying Christ Jesus. Wir sagen Is Sachen, it not wonderful? Alles, was wir besprechen, hat immer mit Christus Jesus zu tun. Tout ce qu'on fait, c'est toujours à travers Jésus-Christ. It's a lady word of Christ. Not the word of Moses, the word of Christ. Das Wort von Christus, nicht das Wort von Mose. La parole de Jésus-Christ, c'est pas la parole de Moïse. Amen. The word of Christ is the truth. Das Wort von Christus, die Wahrheit. La parole de Jésus-Christ, c'est la vérité. Moses' word is not the truth. Das Wort von Mose, nicht die Wahrheit. La parole de Moïse, c'est pas la vérité. Amen. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another. In psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Verse 17. And whatsoever you do, in word or deed, praise the Lord. Hallelujah. Including cooking. Auch kochen. Amen. Donc tout ce qu'on fait, même quand il s'agit de cuisiner, including eating. Auch das Essen. Et même quand il s'agit de manger. Whatever Christ has for you. Das immer Christus für dich hat. N'importe ce que tout ce que les gens ont pour toi. Praise the Lord. Amen. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God and the Father by Him. Do all in the name. All, not some. Im Namen von Christus. On fait tout à travers le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pas seulement une partie, mais tout. Pas seulement une partie, mais on fait tout à travers Jésus-Christ. So also is the smell. Amen. The five senses. Remember that of smell. What you smell. Même les Never sens. Allow it to come. You know, it's no longer controlling you. Même si on est en train de odorer. Never de sentir. It's no longer controlling the love you have for one another. Controlliert nicht die Liebe, die du für die ihr füreinander habt. Même si qu'on est en train de sentir, ça ne contrôle pas l'amour qu'on a l'un vers l'autre. Praise the Lord. Amen. The five senses, they are so dangerous. If you refuse to surrender it to Christ, wenn wir sie nicht Christus übergeben. Le cinq sens c'est vraiment très dangereux si on les soumet pas à Jésus-Christ. Amen. Mm. You know myself, my husband and myself, for example, there are a lot of things we now learn to now enjoy together as husband and wife. Amen. Mm. When I was before I became married, those things I never accepted. Amen. Mm. So also himself. Amen. Mm. But through Christ. Through Christ Jesus, we now enjoy everything together. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. es gab viele Dinge, die ich vorher nicht kannte, die ich nicht akzeptiert habe, aber bevor ich verheiratet war, aber durch Christus in der Ehe konnte ich diese Dinge akzeptieren und genießen lernen. Il y avait beaucoup des choses que moi je n'ai pas toléré avant, mais à travers Jésus-Christ dans notre mariage, j'ai appris à les aimer. Amen. Amen. The scent of one another. Der Geruch beispielsweise, wir riechen. L'odeur de l'un et l'autre. Amen. Amen. It's no longer a problem for one another. C'est plus un problème. Amen. What we smell. You know, also concerning our food also. You know, some food when you are... Praise the Lord. Hallelujah. You know, when people are cooking some, you know, if you are not, especially if you are not from the same place, and he's cooking his food, or you always say just that food is smelling. And you cannot stand it. In Christ Jesus, you can do all things. You cannot stand it. Und dass wir uns vor Essen ekeln, was diese Person kocht, sollte auch nicht sein, sondern dass wir in Christus halt die Sachen dann halt auch probieren können. Et même même en Jésus Christ, même c'est que tu manges bien, c'est que tu es en train de sentir, même si ça te, charnellement ça te plaît pas, mais en Jésus-Christ tu vas apprendre à l'aimer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. We don't marry according to the tradition of this world. Wir heiraten nicht nach der Tradition dieser Welt. On marie pas à travers la tradition de ce monde. Amen. Mm-hmm. You know, I saw in the television they were interviewing some pastors. They were saying, okay, black and white can never marry. Why should they marry? Because the color, the tradition, the culture, they are so different, and that is why there is always problem. That's not Christ. Are you getting it? Once we come to Christ, if our focus is Christ, we can do all things together. Wir heiraten nicht nach der Tradition dieser Welt, weil ich habe mal so einen Bericht gelesen, mir angeguckt, wo Pastoren gesagt haben, ja. Es wäre gut, wenn Schwarze nicht Weiße heiraten, weil wegen der Kultur, und es bringt zu viele Differenzen, zu viele Konflikte, deswegen sollte man lieber in seiner Kultur bleiben. Aber es ist alles halt teuflisch, und es hat nichts mit Jesus Christus, mit dem Geist zu tun. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que oui, noir et blanc ne peuvent pas se marier ensemble, ne peuvent pas être ensemble, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Mais c'est pas comme ça dans l'esprit, dans la culture. Bon, en esprit, il n'y a pas de culture, par exemple, qui sont pareilles. You know, Isaiah 11 said we cannot live together through Christ. Isaiah 11 lesen wir, dass wir zusammen leben. We allow Christ to be our neighbor. Wenn wir zulassen, dass Christus unser Nächster ist. La Bible dit que si on laisse que Jésus-Christ puisse être notre prochain, on va toujours s'aimer, ou bien l'amour sera là. If we allow Christ to be our husband, if we allow Christ to be our wife, zulassen, dass Christus unser Ehemann ist, und please go to Isaiah 11. Praise the Lord. On va lire Isaiah 11. He said that there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom, the spirit and understanding, the spirit of counsel. Amen. Mm-hmm. You know, when yesterday we were together in Vosima, we spoke together a lot, that counseling. Sometimes one person come, two people come counseling. There's the spirit of counsel. Mm-hmm. Amen. The spirit of counsel and the mind. Gestern waren wir im Wohnzimmer, wir haben zusammen geredet, und da war der Geist des Rates und der Kraft in Kontrolle. En fait, hier, par exemple, on lit Isaïe 11, 1 à 2. Hier, par exemple, on était assis, on a vraiment beaucoup parlé. Il y avait l'esprit de discernement, de la sagesse. On s'est même, on s'est même donné beaucoup de conseils. Ça, tu vois, vraiment, c'est l'esprit, ça vient de l'Éternel. You can see different spirits here, amen. The spirit of knowledge, the Geist der Kenntnis. Tu vas voir peut-être l'esprit de la connaissance. And of the fear of the Lord. Und der Furcht des Herrn. Et la crainte de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. All these are in the Holy Ghost. All das ist im Heiligen Geist. Et tout ça c'est dans l'esprit, le Saint-Esprit. Amen. Mm-hmm. Then in verse 3, it said, "And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord." And he shall not judge after the sight of his eyes. Can you see what you see? You no longer judge by what you see. Du richtest nicht mehr nach dem, was du siehst. Naturally, what you see with your physical eyes. C'est que tu vois avec tes yeux physiques. Tu ne juges même pas à travers ça. You no longer go by the news, whatever you hear from anywhere. Amen. Except what you hear from Christ. Sondern nur von dem, was du von Christus hörst. Tu ne vois même plus c'est que les histoires dans tes à travers tes yeux physiques, tu vois seulement à travers les yeux surnaturels. Amen. Remember Jairus' daughter. Jairus, you know, somebody said, your daughter is dead. No need to bother the master. You know, the Bible said Jesus heard it. Amen. And that Jairus heard it. But Jesus said something that that Jairus should hear. He said, believe only. Today we not believe only. And not about whatever problem is outside. Believe Christ. Believe his finished work only. Als Amen. Die Tochter von Jairus im Sterben liegt und im Sterben lag, hatten sie Jesus dazu geholt. Und auf dem Weg dahin hatte jemand zu ihm gesagt, dass Jesus braucht nicht mehr zu kommen, weil deine Tochter ist schon tot. Aber Jesus hat das gehört und hat sich zu Jairus umgewandt und zu ihm gesagt, glaub einfach nur. Also Jairus hat da zwei Stimmen gehört und er musste sich entscheiden, welcher Stimme er glaubt. Il y a cet homme qui avait une fille qui était morte et il y a les servants qui sont venus, ils ont dit à Jésus-Christ, ne viens plus parce que derrière elle est déjà morte, il y a quelques heures passées ou bien quelques jours passés. Et Jésus-Christ a dit à cet homme, et il lui a dit que toi, tu dois avoir confiance en moi, toi tu dois seulement croire. Et tu vois que malgré les cinq sens ou bien tout ce que l'être humain pouvait voir, que la fille était déjà morte, Jésus-Christ, lui, il ne voyait pas le physique, il voyait seulement l'esprit. Et que à travers l'esprit, il est capable de tout ressusciter en fait. Et c'est seulement ça qu'il a considéré. Amen. It's a night that he proved after the hearing of his ears. Praise the Lord. Hallelujah. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with his breath of his lips shall he slay the wicked. Verse 5. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Verse 6. Amen. 6. He said, wolf shall also dwell with the lamb. Can you see? Mm. Amen. Amen. No, wolves and lamb, you know, naturally they cannot live together. Natürlich gesehen kann ein Wolf. But through Christ they cannot live together. Und ein Lämmlein nicht miteinander leben, aber durch Christus geht das. Tu vois, le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau. Tu vois que ces animaux, normalement, naturellement, ils ne sont pas capables à vivre ensemble. Mais à travers Jésus-Christ, ils sont vraiment capables d'être ensemble dans une même communion. Amen. Amen. Since the fall, wolves and lambs can no longer live together. Seit dem Sündenfall können but before the fall, it was not like that. Zusammenleben, aber vor dem Sündenfall war das nicht so. Donc à travers la chute de l'homme, le loup et l'agneau ne pouvaient plus vivre ensemble, mais avant la chute de l'homme, ils étaient capables toujours à être ensemble, c'était pas un problème. There are people that are like wolves. Jesus said, "I send you the midst of wolves." Es gibt Menschen, die wie Wölfe sind. Der Herr hat gesagt, ich schicke euch in die Mitte von Wölfen. It's not talking about animals. It's talking about people. Es geht nicht um Tiere, sondern um Menschen. Et ici, il est en train de avec ce qu'il dit ici, il est en train de il est en train d'utiliser comme une caractéristique. Il est en train de parler des êtres humains. Il dit quand il parle les loups, il est en train de parler des êtres humains parce qu'il a aussi dit dans sa parole que je vous suis en train de vous envoyer au milieu des loups. Là, il ne parle pas des animaux, il parle des personnes, des gens qui ont des caractères comme des loups. How can you live with them? Well, it's only when you see me. Wie kannst du mit ihnen leben, nur wenn du Jesus siehst? Comment tu seras capable de vivre avec les loups? Tu seras capable à vivre avec les loups seulement quand tu es capable de voir Jésus-Christ et quand tes yeux sont vraiment fixés vers lui. We are, you know, Christ now brought us back to before the fall. We are back to before the fall. Wir sind jetzt durch Christus zurück vor dem Sündenfall. À travers Jésus-Christ, il nous a vraiment ramené au statut où on, à quand on était avant la chute de l'homme. Where Adam only have just one father, one mother, one everything, God himself. Wo Adam nur einen Vater und eine Mutter hat, ein alles, nämlich Gott selbst. Dans ce statut là avant où à quand Adam avait que Jésus-Christ que Dieu lui-même comme père et mère, et c'est maintenant que c'est comme ça que on doit se considérer et on doit se voir parce que à travers Jésus-Christ c'est le même statut qu'on a maintenant. Praise the Lord. He said, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion, and the fatted together, and a little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the suckling child shall play on the hole of the axe, and the weaned child shall put his hand in the crocodile den. Praise the Lord. Alleluia. You can see with Christ everything is perfect. Durch Christus ist alles vollkommen. Dans ce verset ici, on voit vraiment que avec Jésus-Christ tout est parfait. Until we can see Christ. Mais on doit être capable de voir Jésus-Christ. Mais sans voir Jésus-Christ, on va se voir nous-mêmes. Si je te demande qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de t'inquiéter aujourd'hui dans ton cœur? Qu'est-ce qui te donne un problème? Qu'est-ce qui te fait triste? Qui te rend triste? Remember the joy of the Lord is your strength. Erinnere dich daran, dass die Freude des Herrn deine Amen. Kraft ist. Rappelle-toi que la joie de l'Éternel c'est ta force. It means allow your focus to be Christ Jesus. Dass du deinen Fokus auf Christus ist. Sonst wird der Teufel dich packen. Tu dois vraiment accepter que ta concentration puisse être Jésus-Christ, sinon le diable va vraiment t'arracher. Amen. Amen. Praise the Lord. In 2 Corinthians. No, that of Saint again. Let us quickly go to 2 Corinthians 2, verse 15. 2 Corinthians 5, 16. On va lire 2 Corinthians 5, verset 11. Praise the Lord. Amen. 2 Corinthians 2, verse 15. 2, verse 15. 2 Corinthians 2, verset 15. He said, for we are unto God a sweet savour of Christ. Amen. Amen. A sweet savour. Something that have, you know, scent. Wir duften. Amen. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui ont sur la voie. Donc, le parfum de Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. In them that are saved and in them that perish. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. There is no longer your food. Your food that you are cooking is smelly. We enjoy one another's food. Amen. Es gibt kein, dass das Essen, was eine Person kocht, stinkt, sondern wir genießen das Essen voneinander durch Christus. On ne dit plus que ce que tu as cuisiné ne sont pas bons, mais on est en train de savourer tout ça parce à cause de Jésus-Christ. Because once you come to Christ, well, you are never alone. Wenn wir zu Christus kommen, sind wir nicht alleine. Wir haben einen Helfer. Parce que dès qu'on vient vers Jésus-Christ, nous sommes plus seuls. On a quelqu'un qui nous aide. The helper to help you to love what Christ loves. And hate what he hates. What he wants you to hate. Das zu lieben, was Christus liebt und das zu hassen, was Christus hat. Et la personne qui nous aide va nous aider à aimer ce que Jésus-Christ aime et à détester ce que lui déteste. Praise the Lord. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 14. He said, I can do all things. Amen. Il dit qu'on est capable de faire toutes Praise choses. Praise the Lord. Hallelujah. Through the power of the Holy Spirit, I can love what Christ wants me to love. Amen. And hate what he wants me to hate. Kann ich das lieben, was Christus liebt, und das hassen, was Christus hasst. À travers l'amour de Jésus-Christ et sa puissance, on est capable d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Amen. Amen. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stark macht. Je peux faire toutes choses à travers Jésus-Christ qui me donne la puissance. I can do all things, not some few things, all things that the Lord wants for me. have for me. I can do all. He never expect from you when he did not provide for you. Er erwartet nichts von dir, wenn er nicht vorher versorgt hat. Lui, il n'est pas en train de vouloir quelque chose pour toi s'il n'a pas encore il ne s'est pas encore occupé de ça. Donc oui. And that's why if God said do something, you know that you can do it. Because he equipped you before he tell you to do something. Deswegen, wenn Gott dir sagt, du sollst etwas tun, dann wisst du, dass du ausgestattet bist dafür, weil er hätte es dir sonst nicht befohlen. C'est pour cela, quand l'Éternel te dit de faire quelque chose, tu dois vraiment connaître, être sûr que tu es capable de le faire. Parce que lui, il ne va pas préparer quelque chose pour toi. Il prépare d'abord ton chemin avant de t'envoyer quelque part. Ça signifie que quand il te dit de faire quelque chose, ça signifie qu'il t'a déjà donné tous les outils pour surmonter... la place ou bien des problèmes. And that's why if he's the one that joined you together as husband and wife, you will know that this the marriage is perfect because it's all about him. So wenn du weißt, dass der Herr diese Ehe gegründet hat, dann weißt du, dass diese Ehe vollkommen ist, weil diese Ehe er selbst ist. Amen. Et c'est pour cela quand si Jésus-Christ te dit que il veut que vous puissiez vous marier ensemble, tu dois vraiment savoir que lui il a déjà tout prévu, il a déjà fait de genre que vous soyez parfaits ensemble. Donc que vous n'avez pas un problème parce que il s'en est déjà occupé. You can do all things through the power of Christ Jesus. Vous pouvez alles tun durch die Kraft von Christus Jesus. Parce que on est vraiment capable de faire tout à travers la puissance de Jésus-Christ. On n'est pas sans puissance. You see, you can do all things through the power of the Holy Spirit. Vous pouvez alles tun durch die Kraft des Heiligen Geistes. On peut tout faire à travers la puissance de Jésus-Christ. I can learn whatever he wants me to learn. Ich kann lernen, was ich lerne, was er mir gibt zu lernen. Je veux tout étudier ce qu'il m'a dit d'étudier. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Apprendre à travers la puissance du Saint-Esprit. I can love what he wants, whoever he wants me to love, or whatever he wants me to love. Ich kann das lieben, was er mir sagt zu lieben durch Christus. Je peux aimer tout ce qu'il me dit d'aimer parce que à travers lui-même. I can learn to hate whatever he wants me to hate. Ich kann lernen, das zu hassen, was er möchte, durch die Kraft des Heiligen Geistes. À travers la puissance de Jésus-Christ, je peux vraiment tout apprendre. Amen. Today we will not go through that of the spiritual smell and this. You know, and the natural, the physical smell and the spiritual, we cannot go through all today. Amen. Mm-hmm. But let me quickly give you this. The five senses have both the physical part and the spiritual part. Die fünf Sinne haben den geistlichen Teil und den physischen Teil. Les cinq sens, ils ont une partie physique et une partie spirituelle. Amen. They also have their old and new. Sie haben auch ihr altes und neues. Il y a aussi un nouveau, il y a aussi un ancien. The old means before you became saved. Das alte bedeutet, bevor du errettet wurdest. Die fünf Sinne, bevor du errettet wurdest. Les cinq sens avant que tu puissiez être sauvé. Amen. Amen. The new is now, since you became saved. Das neue and I know the truth. Seitdem du errettet wurdest und die Wahrheit kennst. Et le nouveau, c'est quand tu as été né de nouveau et que tu as reçu la vérité. Since you became saved. Christ is now your five senses. Mm. Seitdem du errettet wurdest, ist jetzt Christus deine fünf Sinne. Depuis que tu as été sauvé, c'est Jésus-Christ qui est maintenant tes cinq sens. Amen. Amen. It is no longer what I love, but what he loves. Amen. Es geht nicht um das, was ich liebe, sondern was er liebt. Il ne s'agit plus de ce que moi j'aime, mais il s'agit de ce que lui il aime. It is no longer what I used to eat, drink or taste of anything. Amen. Amen. Es geht nicht um das, was ich esse, trinke oder schmecke oder sonstiges. Il ne s'agit plus de ce que moi j'aime bien manger ou bien j'aime bien écouter. Ou, and I see Christ in everything. Ich sehe jetzt Christus in allem. Maintenant, je suis capable de voir tout, Jésus-Christ en tout. Amen. It is no longer what I used to see. Es ist nicht mehr das, was remember ich gesehen song, habe. Our song. Amen. Amen. Donc, il ne s'agit plus de ce que moi je voyais avant. Things I used to see, I see them no more. Dinge, die ich gesehen habe vorher, sehe ich jetzt nicht mehr. Les choses que je voyais avant, je les vois plus. Things I used to love, I love them no more. Dinge, die ich geliebt habe, liebe ich nicht mehr. Les choses que j'aimais avant, je les aime plus. Places I used to go, I go there no more. Orte, an die ich gegangen bin, gehe ich nicht mehr. Les places où je partais mais avant, je n'y vivais plus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And I see those things he want me to see. Ich sehe jetzt das, was was er mir sagt zu sehen. Je vois maintenant ce que lui me dit de voir. Amen. Before this time, I see those that are against me. Vorher habe ich die Leute gesehen, die gegen mich sind. Avant, je voyais les gens qui sont contre moi. I see those that don't love me. Die mich nicht lieben. Je voyais les gens qui me. But now I don't see Christ that love me. Amen. Ich sehe Christus, der mich liebt. Et maintenant, je vois que Jésus-Christ qui m'aime. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Before this time, I see those that leave me. Vorher habe ich die Leute gesehen, die mich verlassen haben. Avant, je voyais les gens qui m'ont abandonné. But now I don't see Christ that never leave me or forsake me. Amen. Aber jetzt sehe ich Christus, der mich niemals verlässt. Maintenant, je vois Jésus-Christ qui m'abandonne jamais, qui ne va jamais m'abandonner. Praise the Lord. Like 2 Kings 6, Elisha and the servant. Amen. 2. König 6, Elijah und dem Knecht. Before, comme dans 2 Corinthiens 2 Rois 6 Élisée et son servant par exemple. Because of time we will not go there. Before now I used to see the problem. Before, I used to see problem everywhere. Tu vois problème gesehen. Avant je voyais des problèmes. Amen. Just like the Syrian army they were everywhere. Genau wie die syrische Armee die überall. Before, tout comme l'armée syrienne qui était partout. Amen. But now I now see the Christ in me. Jetzt sehe ich Christus in mir. Et maintenant je vois Jésus-Christ en moi. I now see those that be with me are more than those that be with them. Jetzt erkenne ich, dass die bei mir sind, sind mehr als die vor mir sind. Et maintenant je reconnais que tous ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont. I now see greater is he that is in me than whatever is there outside. Amen. Jetzt sehe ich, dass der in mir ist größer als der vor mir steht. Maintenant je vois que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. And I see one with Christ is majority. Amen. Das wäre mit Christus ist in der Mehrzahl. Et maintenant je vois que dans Jésus-Christ c'est la majorité. Praise the Lord. Alléluia. We we'll quickly go through just one example of what we hear. Amen. Go to Mark 5, please. What we hear. Praise the Lord. On va voir un exemple de ce qu'on est en train d'écouter. The old and the new that we now hear. The old we hear before and the new that we now hear. L'ancien qu'on écoutait et le nouveau qu'on écoute. Praise maintenant. The Lord. C'est Marc 5. Mark 5, verse 22. Mark 5, verset 22. I will get this. Oui, bien. Amen. He said, and behold, there cometh one of the leaders of this synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Praise the Lord. Amen. And besought him greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay your hands on her, and she may be healed. And she shall live. And Jesus went with him, verse 24. And much people followed him and trod him. Praise the Lord. Mm-hmm. Because of time, let us go to verse 35. 35. Verset 35. Amen. He said, why his yes speak? On yet, l'histoire de Jairus, oui. Amen. There came from the ruler of the synagogue, South, certain, he said, your daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Can you see it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And as soon as Jesus heard the word, mm-hmm. praise the Lord. Yeah. He always hears what people say to you. Er hört, was Leute zu dir sagen. Jésus-Christ, lui, il écoute toujours ce que les gens te disent. The Holy Ghost always hears what people are saying to you. Der Heilige Geist hört, was Leute zu dir sagen. Les Saint-Esprit écoutent toujours ce que les gens. Amen. And once you hear it, he always says so also. He always speaks to you also. Und wenn er es hört, sagt er dir auch, was er dazu sagt. En fait, si quand il écoute, dès qu'il écoute ça, lui aussi, il te répond. Then he said unto the ruler, you see, the Holy Ghost said unto the ruler of the synagogue, be not afraid. Only believe. Mm. Praise the Lord. Yeah. You are going to choose who to believe. Du wirst amen. The lies of Satan or what Christ called his own ways. Die Lügen des Satans oder was Jesus Christus seine eigenen Wahrheiten Worte nennt. En fait, quand le diable te parle, Jésus ou bien le Saint-Esprit, il te répond aussi, comme ici il a dit à verset 36, ne crains pas, crois seulement, et toi qui dois décider ce que tu vas croire. Amen. Verse 35. Amen. Look at verse. We just read it. What you used to hear. Comment tu as hören? Ce qu'on avait écouté avant. Amen. And also what you should learn to hear now. Was wir auch, Amen. Verse 35. You can see the above there. Et tout comme ce qu'on va apprendre à écouter. Verse 36. Verse 35 and 36, amen. Both verses, amen. Verset 35 et 36, tous les deux versets. Amen. Verse 35 said, you know what that verse 35 is about what you used to hear, and verse 36 is what you should learn to now hear. In 35 sehen wir, was wir gehört haben, was wir früher gehört haben, und 36 sehen wir, was wir hören sollen. En fait, dans verset 35, ça nous fait voir ce qu'on avait écouté avant. Par exemple, ta fille est morte. Et verset 36 nous dit ce qu'on doit vraiment maintenant considérer. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit qu'on ne doit pas craindre, ne craint pas, pas seulement. Ce sont deux choses différentes. You used to hear problems. Wir haben Probleme gehört. Avant, on écoutait des problèmes. Now here, believe Christ. Jetzt hören wir Jesus Christus zu glauben. Et maintenant on écoute qu'on doit vraiment croire à l'Éternel. Do not be afraid. Only believe. That's the, we know that is coming from the Holy Spirit. From Heiligen Geist. Et maintenant le Saint-Esprit nous dit que faut pas avoir ne crains pas, faut pas avoir peur, tu dois seulement croire. Amen. Amen. Before this time you used to fear, you know, have fear of the future. How are things going to work out? Donc, en fait, avant, on avait toujours peur. On avait peur du futur. Comment les choses vont marcher? Amen. All situations, they are speaking. All situations sprechen. Ou bien, toutes ces situations sont en train de parler. And the Holy Ghost is also speaking. Aber der Heilige Geist spricht auch. Mais le Saint-Esprit parle he aussi. Say, don't be afraid. Sag, fürchte dich nicht. Il te dit de ne pas avoir peur. Glaube einfach nur. De seulement croire. Amen. You now hear. Believe Christ only. Wir hören jetzt, dass wir einfach nur Christus glauben sollen. Et maintenant, on écoute seulement qu'on doit vraiment faire confiance à l'Éternel, seulement lui croire. You used to hear you are dead. Wir haben gehört, dass wir haben früher gehört, dass wir tot sind. Avant, on a écouté qu'on nous sommes mortes. You used to hear you are a fool. Dass wir dumm sind. Avant, on a écouté que nous sommes vraiment stupides. You used to hear that don't you ever work for you. Dass nichts für dich läuft. On a toujours écouté que rien va marcher pour nous dans notre vie. Hear that people never love you. Dass uns niemand liebt und niemand akzeptiert. On a toujours écouté qu'il y a personne qui va jamais t'aimer ou bien t'accepter. You also hear you are full of mistakes. Dass wir voll von Fehlern sind. On a écouté que nous sommes vraiment always making mistakes everywhere. Immer wieder Fehler machen. On est toujours en train de faire des fautes partout. But now learn to hear the voice of the Holy Spirit. Aber jetzt sollen wir lernen die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Mais maintenant on doit apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Don't be afraid, only believe Christ. Amen. Jesus sagt, hab keine Angst, glaub einfach an Christus. Et cette voix te dit de ne pas avoir peur, de seulement croire à l'Éternel. Amen. Amen. Day by day, night by night, minute by minute, second by second. Amen. Christ always speaks his word to us. Amen. Immer wieder spricht Christus seine Worte zu uns, seine Wahrheit zu uns. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, là c'est l'Éternel qui est en train de parler, de te dire sa vérité. Amen. John 6:63. Quickly go there, please. John 6:63. Jean 6:36. On va y aller. 6:63. Besides, it is the spirit 63, that pardon. The flesh profited nothing. The words that I speak unto you, Christ's words, he speaks to you always. Amen. The words that I speak unto you, they are spirit, they are life. They are not flesh and death, but they are spirit and life. Fleisch und Tod, sondern Geist und Leben. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. La parole que je vous dis sont des esprits de l'esprit de vie. Amen. Amen. Anytime we read the Bible, Christ is the one speaking directly to us. Amen. Die Bibel lesen, ist Christus, der direkt zu uns spricht. Chaque fois qu'on lit la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle directement. Anytime we are meditating on the truth, Christ is speaking directly to us. Chaque fois qu'on est en train de méditer sur la vérité, c'est Jésus-Christ qui nous parle directement. Amen. Anytime we gather, we are speaking together. We are speaking Christ to one another. And it is Christ that is speaking Amen. To us. Es ist Christus, der zu uns spricht und durch uns spricht. Chaque fois qu'on parle, c'est Jésus-Christ qui parle vers l'un et l'autre, à travers l'un et l'autre. C'est Jésus-Christ qui parle lui-même. We learn to hear his voice. Wir lernen seine Stimme zu hören. On doit apprendre à écouter sa voix. Look at John 10, please. Johannes 10. On va lire Jean 10. Praise the Lord. Hallelujah. John 10, verse 27. Johannes 10, vers 27. Jean 10, verset 27. Amen. Amen. Say, my sheep, hear my voice. Amen. Amen. Learn to hear his voice. Lerne seine Stimme zu hören und seiner Stimme zu gehorchen. Là, il dit que verset 25, mes brebis écoutent ma voix, et c'est pour cela, toi étant que son brebis, tu dois apprendre à écouter sa voix. In relationship, we are to hear one another's voice. In Beziehung sollen wir die Stimme voneinander hören. Dans des relations, on doit vraiment apprendre à écouter la voix de l'un et de l'autre. You know, when you speak, he hears you, but when he speaks, do you hear him? Wenn du sprichst, hört dich, aber wenn spricht, hörst du ihn? Quand lui, par exemple, il te parle, toi, quand toi tu parles, lui, il t'écoute. Mais quand lui il parle, est-ce que toi tu l'écoutes? Yeah, he is saying, if you are my sheep, you will hear my voice. Hier sagt er, wenn du mein Schaf bist, dann wirst du meine Stimme hören. Ici il dit que si tu es mon brebis, tu vas écouter ma voix. He said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise the Lord. They never go opposite. Ici il dit que mes brebis sont toujours capables à écouter entendre ma voix. Et oui, et toi, tu dois vraiment te décider. Amen. Amen. Look at verse 5 of John 10. The same chapter, verse 5. Yes, Johannes 10, verse 5. On va lire Jean 10, verset 5. Amen. Amen. He said, and a stranger we did not follow, but we flee from him, for they know not the voice of strangers. Amen. Praise Amen. The Lord. Amen. Amen. Amen. Whatever your wife cook is good enough. Was immer deine Frau kocht, ist gut genug. N'importe qu'est-ce que ta femme est en train de cuisiner, ça sera toujours bien. Amen. Amen. Your wife is not the body. Weil deine Ehefrau nicht der Körper, sondern Christus. Ta femme, c'est pas la chair, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. The body is not your wife, that's Christ. Der Körper ist nicht Christus, is who you are to see. Sondern Christus in dieser Person sollst du sehen. La chair, c'est pas le corps que tu vois, c'est Jésus-Christ que tu vas voir dans la personne. Please know and understand who you are. Wisse und verstehe, wer du bist. Tu dois comprendre et connaître qui tu es. You are never your body. Du bist niemals dein Körper. Tu n'es jamais ton corps. Amen. Amen. You are a spirit. Amen. Du bist ein Geist. Tu es un esprit. You have a soul. Du hast eine Seele. Tu as une âme. And you live in a body called earth suit. Ein Erdanzug. Et tu vis dans un corps. Amen. Your earth suit is not who you are. Deine, you are your spirit. Amen. Irdischer Anzug ist nicht das, was du bist. Du bist dein Geist. Ton corps terrestre, c'est pas ce qui tu es. Tu es ton esprit. It's a matter of time your earth suit is going to die. And that's why there should be no confidence on the earth suit. Bis dein irdischer Körper stirbt, deswegen sollen wir kein Vertrauen auf den irdischen Körper haben. Tu ne dois pas faire confiance à ton corps terrestre parce que oui, c'est vanité. The part of you that lives forever is your spirit. Der Teil, der für immer lebt, ist dein Geist. La partie de toi qui vit pour toujours, c'est ton esprit. Your spirit is either Christ or Satan. Dein Geist gehört entweder zu Christus oder zum Satan. Ton esprit appartient ou à Jésus-Christ ou au diable. No one ever marry the body. Niemand heiratet den believers Körper. And unbelievers. Ungläubige, Ungläubiger. Personne est en train de marier que le corps, même les gens naturels. Amen. Before I continue, let me quickly go through some few things here. There is no second choice. There is no second choice once you come to the kingdom of heaven. There's nothing like second choice. Es gibt keine zweite Wahl im Königreich Gottes. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas une deuxième chance. Nobody is a second choice. Niemand ist eine zweite Wahl. Choix. Il n'y a personne qui a un deuxième choix. Amen. In the natural world, if you cannot marry this, you marry this. You see this other one as a second choice. But in the kingdom of heaven, there's nothing like that. In dieser Welt gibt es eine zweite Wahl. Wenn es mit einer Person nicht geklappt hat, kommt die nächste Person. Das ist dann deine zweite Wahl. Aber im Königreich Gottes gibt es das nicht. Dans le royaume de ce monde, par exemple, tu peux avoir plusieurs choix. Si ça ne marche pas avec cette personne, ça va marcher avec l'autre. Mais dans le royaume des cieux, ça peut marcher qu'avec une seule personne. Whatever Christ gives you is always the best. Was immer Christus dir gibt, ist immer schon das Beste. N'importe ce que l'Éternel te donne, ça c'est toujours la meilleure chose. And he wants us to enjoy one another. Und er will, dass wir einander genießen. Amen. Et il veut qu'on puisse vraiment se réjouir l'un à l'autre. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Quickly go to 1 Timothy 6. 1 Timothée 6. On doit lire, on va lire 2 Timothée 6. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 17. Praise the Lord. He said, look at verse 17, please. Verset 17. He said, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in ascending riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Praise the Lord. Amen. He gives us, you know, whatever he gives you, he wants you to enjoy it. Was immer er uns gibt, möchte, dass wir es genießen. Il veut qu'on puisse rejouir de tout ce qu'il nous donne, de toutes sortes de richesses qu'il nous donne. He never gives you rubbish. Er gibt dir niemals Müll. Il nous donne jamais quelque chose qui sont Amen. Qui n'est pas bon. Whatever he gives you is the best for you. Was immer er uns gibt, ist das Beste für uns. N'importe ce qu'il te donne, c'est toujours la meilleure pour toi. Whatever he gives us is what he wants to give us. Was immer er uns gibt, ist das, was er uns geben will, nicht mehr und nicht weniger. N'importe ce qu'il nous donne, c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, rien d'autre. He never gives us anything without himself. He never gives us anything outside himself. Outside from him. Il nous donne jamais quelque chose en dehors de lui-même. Everything, they are all in him. Alles ist in ihm. Tout est en lui. Amen. Amen. And once he gives you anything, he gives you himself. Wenn er uns etwas gibt, gibt er uns sich selbst. Dès qu'il nous donne quelque chose, il se donne soi-même. Amen. Amen. Amen. He is the best. Er ist das Beste. Il est la meilleure chose. Amen. Amen. He is the only choice for us. Amen. Er ist die einzige Wahl, die wir haben. Il est le seul choix pour nous-mêmes. Your husband is the best for Dein you. Dein Ehemann ist der Beste für dich. Ton mari est le meilleur pour toi. Because of the Christ in him. Wegen Christus in dieser Person. À cause du Christ en lui. There is no, you cannot compare him to or something else. Du kannst ihn nicht mit etwas You cannot compare Christ to something else. Mit jemand anderem vergleichen. Tu peux pas comparer. Mit nichts vergleichen. Tu peux pas comparer ton mari ou ta femme avec quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Amen. Parce que tu n'es pas capable à comparer Jésus-Christ avec quelque chose d'autre. No, there was a time of ignorance. We go there very soon. Amen. Praise the Lord. Amen. So also your wife. Amen. Genauso mit deiner Frau. Et tout comme avec ta femme. What the wife he gives you is always the best. Die Frau, die gibt, best ist immer die beste für dich. La femme qu'il te donne, c'est toujours la meilleure pour toi. There should be no comparison. Es sollte keine Vergleiche geben. Il ne doit jamais avoir une comparaison. Of that woman with, you know, comparing her to others. Or the other that you could have married. Oder mit anderen Leuten vergleichen, die du hättest heiraten können. On ne doit jamais comparer la femme qu'on a avec une autre femme qu'on a pu, on pouvait même marier avant. He does not have any other choice for us. Er hat keine andere except Wahl himself. Für uns, außer I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Il n'a pas d'autre choix sans lui-même pour nous. Amen. Myself and my husband, for example. Ich selbst und mein Ehemann beispielsweise. Mein Ehemann und ich. Moi-même et mon mari, par exemple. We did not know Christ from the beginning. Wir kannten Christus nicht von Anfang an. On n'a pas connu Jésus-Christ dès le Amen. Commencement. Amen. Our coming together was not based on Christ. Unser Zusammenkommen war nicht basiert auf Christus. Quand on s'est réunis, c'était pas basé sur Jésus-Christ. And that was the time of ignorance. Und das war die Zeit der Ignoranz. Et c'était le temps de l'ignorance. Just like Paul said. Go to 1 Timothy 1. 1 Timothy 1. Tout comme Paul a dit, il a parté sur vers 1 Timothée 1. Hein? Praise the Lord. Hallelujah. 1 Timothy 1. Verse 13 to 15. 1 Timothée 1, verset 13 à 15. Praise the Lord. Hallelujah. He said, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy. He talked about himself, how he was before. Ici, il parle de lui-même quand il était avant. Comme Amen. Il était avant. He said, but I now obtain mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation of Christ Jesus came unto the world to save sinners, of whom I am chief. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how what Paul talked about himself? Paul he said he was one the chief of sinners. Er war einst ein are you getting it? Vorbild des Bösen, aber jetzt nicht mehr. Ici on voit vous voyez comment Paul parle de lui-même. Il a dit que il a été vraiment le mal en personne et maintenant il ne l'est plus. But this time Paul now said, be like me. Dieser gleiche Paulus sagt jetzt aber, ihr seid so wie ich. Et le même Paul qui nous dit maintenant d'être comme lui. Because I'm now like Christ. Denn ich bin jetzt wie Christus. Parce que maintenant il s'est transformé. Il Because est I love Christ, Christ. Will not live inside me. Weil ich habe zugelassen, dass Christus jetzt in mir lebt. Parce qu'il a pu autoriser à Jésus-Christ de le vivre en lui. Go to Luke 23, verse 34. Lukas 23. On va lire Luc 23. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 23, verse 34. 34. On va lire Luc 23, 34. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at what Jesus said here. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Praise the Lord. Hallelujah. Forgive them, for they know not what they do. Amen. Ici, il dit pardonne-les parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. You know, before this time, we did not know him. But now, we've known through our relationship with him, we now submit our marriage unto his hand. He's now in charge of everything in our life. Vorher kannten wir ihn nicht, aber jetzt kennen wir ihn. Und deswegen ist er jetzt Kontrolle von allem. Avant, on ne le connaissait pas, mais maintenant, on le connaît. Et c'est pour cela, maintenant, il est au contrôle de tout. Remember, I talked about, example, my husband and myself. Amen. Our marriage. Amen. We surrender everything to Christ. And he now put himself in everything. Ich habe die Ehe mit meinem Ehemann dem Herrn übergeben und er ist jetzt Kopf von dieser Ehe. Par exemple, je vous ai expliqué de mon mariage avec mon mari, par exemple, on ne connaissait pas Dieu avant, maintenant, et puis après, on s'est mis ensemble, on s'est vraiment soumis à Dieu et lui-même, il s'est mis en nous. Amen. He is now in us, both of us. Er ist jetzt in uns beiden. Et Jésus-Christ maintenant il est en nous, dans nous deux. And now made us suitable for one another. Und hat uns jetzt passend füreinander gemacht. Et maintenant, et il s'est fait, il s'est fait, il nous a fait, en bonne communion l'un pour l'autre, en fait. My husband is the best for me. Jetzt ist mein Ehemann der Beste für mich. Il nous a fait maintenant compatibles l'un pour l'autre. Mon mari, maintenant, il est le meilleur pour moi. I cannot compare him to to somebody else. Ich kann ihn nicht mit jemand anderem vergleichen, niemals. Je peux jamais lui comparer à quelqu'un d'autre. Because he is Christ. Weil er Christus ist. Parce qu'il est Christ. Christ always gives us the best. Christus gibt uns immer das Beste. Christ nous donne toujours he le meilleur. Is the best for us. Selbst ist das Beste für uns. Amen. Lui-même, il est le meilleur pour nous. And that's why we should better, you know, learn to see the spirit. Et c'est pour lernen, Geist zu sehen. Et c'est pour cela on doit apprendre à stop voir seeing l'esprit. The flesh, the body. Und aufhören, das Fleisch zu sehen. Et arrêter de voir la chair. I am the best for my husband. Ich bin das Beste für meinen Ehemann. Je suis le meilleur pour ma femme. Because pour mon mari. Of the Christ in me. Den Christus in mir. À cause du Christ en moi. The Christ in me is the best. Christus in mir ist das Beste. Le Christ en moi, c'est la meilleure. There is no, you know, you cannot compare the Christ in me to another Christ at all. Du kannst den Christus in mir nicht mit einem anderen Christus vergleichen. Tu ne peux pas comparer le Christ en moi dans avec un autre Christ. And the children he gave us, the Lord gave us. Und die Kinder, die uns Christus gegeben hat. Et les enfants que l'Éternel nous a donné. There is nothing that can be compared to them. Nichts kann mit ihnen verglichen werden. Il y a rien d'autre qui peut être comparé. There is nothing that can be better than them. Mm-hmm. Nichts ist besser als sie. Il y a rien qui est mieux que eux. Because in the children, he is the one in the children. Weil derjenige ist, der in den Kindern ist. Amen. Parce que lui-même, il est dans ses enfants-là. Because he always gives us himself. Weil uns immer sich selbst gibt. Parce que lui, il se donne toujours he lui-même. He is the best for us. Ist der Beste für uns. Il est le meilleur pour nous. Amen. Amen. The Christ in our children are our children. Der Christus in unseren Kindern sind unsere Kinder. Le Christ dans nos enfants sont nos enfants. Learn to see the inside, please. Lernt das Innere zu sehen. Apprenez à voir l'intérieur. It's not about the outside, the body. Geht nicht um das Äußere. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Amen. He said, we shall live by the Spirit. We shall live by faith. We shall live by the inside. Wir sollen durch den Geist leben. We shall live by seeing the inside. By seeing the Christ. Christus. Il a dit qu'on doit vraiment apprendre à vivre de l'intérieur du Christ qui est en nous. Amen. Don't allow the outside to deceive you or confuse you. Lass nicht zu, dass das Äußere dich verwirrt. Faut pas autoriser que l'extérieur puisse te confondre, te déranger. Amen. The real you is Christ Jesus. Der wahrhaftige, dein wahrhaftiges Selbst ist Christus Jesus. Parce que le vrai toi, c'est Jésus-Christ en toi. Stop comparing your children to, you know, for example, if you have married the other man, how will your children be? How could they have been? So, you know, there is nothing greater than Christ. Yeah. The Christ in these children today. Nichts ist größer als die Kinder in Christus, Christus in den Kindern, den du jetzt hast. Also sollst deine Kinder nicht mit anderen Kindern vergleichen, die du hättest haben können, wenn du jemand anderes geheiratet hättest. Arrête de te comparer à autre personne pour te dire que oui, si je mariais celui-là ou bien celle-ci, comment les enfants allaient être. Arrête de te comparer ou bien comparer tes enfants parce que le Christ en toi, dans ton partenaire et le Christ dans tes enfants, c'est vraiment le Christ que tu dois avoir. Amen. Amen. Let us learn to see the Christ in us. Lass uns lernen, Christus in uns zu sehen. On doit apprendre à voir le Christ en nous. In our wife, husband, children. Amen. In our brothers and sisters. In unseren Brüdern und Schwestern. Allen. Le Christ dans nos frères et sœurs. There is no one that is second choice. Niemand ist die zweite Wahl. Il y a une personne qui est un deuxième choix. Once he comes to Christ. Wenn es um Christus geht. Quand Amen. Il s'agit de Jésus-Christ. Once he comes to the true God. Wenn es um den wahrhaftigen Gott geht. Quand Amen. Il s'agit du vrai Amen. Dieu. You know, before this time, you know, I have heard that, you know, David was the second choice. Vor dieser Zeit habe ich gehört, dass David die zweite Wahl war von Gott. Avant, j'ai écouté que David était la deuxième chance devant Jésus-Christ. You know, for the children of Israel. You know, Israel. First it was King Saul and now David. Mm. You know, God did not choose King Saul for the children of Israel. Amen. Gott hat ja König Saul gar nicht für die Kinder Israel ausgewählt. It? Amen. Par exemple, dans les enfants d'Israël, il y a des gens qui ont dit que le roi Saül, qui était le premier choix, et quand il a faussé, c'était David. Mais non, Dieu n'a jamais choisi Saül pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. You know, King Saul, it did not work for the people because it was even their choice. It was not God's first choice. Hat es nicht funktioniert für die Leute, weil es auch gar nicht Gottes Wahl war. Avec le roi Saül, ça n'a pas marché parce que il n'était même pas le choix de Dieu. People choose, they choose King Saul, but God himself chose David. Die Leute haben König Saul gewählt, aber David, den hat Gott gewählt. Les gens ont choisi le roi Saül, mais Dieu lui il a choisi David. David was not a second choice. David war nicht die zweite Wahl. David n'était pas le deuxième choix. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, no man ever married the body. Kein Mensch heiratet den Körper. Il y a personne qui marie le corps. And no man ever have relationship or fellowship with the body. Und niemand hat Gemeinschaft mit dem Körper. Il y a personne qui a la communion avec seulement le corps. Amen. Any relationship, any fellowship, any marriage is not about the body. Jede Gemeinschaft, relationship jede is Ehe about the spirit. Ist nicht über den Körper, it's about marriage is about the spirit. Die Ehe ist über den Geist. Le mari, dans le mariage, il s'agit de l'esprit et Amen. Pas de la chair. Amen. And that's why Jesus said, what the spirit have joined together. What God have joined together. God is spirit. God is Geist. Et c'est pour cela, Jésus-Christ dit que c'est que l'Éternel a mis ensemble, il a réuni. Et lui-même, il est l'esprit. Donc c'est pour cela qu'il parle de l'esprit quand il parle de sa réunion. Your spirit and your body is like your handshoe. It's like your hand and your handshoe. Dein Geist und dein your Körper gloves. Sind if you have gloves in your if you wear gloves. Wie dein Handschuh und deine Hände. Par exemple, dans ton esprit et ton corps, c'est comme si tu avec des gants, quand tu mets des gants. Your handshoe or your gloves is not your hand. Dein Handschuh ist nicht deine Hand, du hast sie einfach nur an. Tes gants ne sont pas tes mains, tu as seulement mis les gants. Just as your body is not the real you. Genauso wie dein Körper nicht dein wahres Selbst ist. Du comme ton corps n'est pas ton vrai soi, ton vrai toi. Who you are in your spirit is who is the real you. Wer du im Geist bist, das bist du wirklich. Qui tu es dans ton esprit, c'est ça qui tu es vraiment, tu es réellement ton esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this last Sunday's message concerning mate and marriage, it's not different from the message we have been preaching concerning mate and marriage. Die Botschaft über die Botschaft von Sonntag über Ehe und Partnerschaft ist nicht anders als die Botschaft, die wir vorher schon geprägt haben. Le message de qu'on a eu le dimanche passé concernant les mariages, c'est pas vraiment différent du message qu'on a eu avant concernant les mariages. The teachings is only deeper. Die Lehre ist einfach nur tiefer jetzt geworden. Le message est seulement devenu un peu plus profond. The Lord wants our understanding to be deeper. Der Herr will, dass unser Verständnis tiefer wird. L'Éternel veut que notre compréhension puisse être maintenant plus profond. Just as he has been revealing it that he has one person for us. Genauso wie er uns offenbart hat, dass er eine Person hat für dich und mich. Tout comme il a révélé qu'il a seulement une personne pour toi et moi. You know, all the time we have thought that, that one person is a body. Wir haben immer gedacht, dass we diese never Person knew that it's Christ himself. Ein Körper ist. Ich wusste nicht, dass es Christus selbst ist. Avant, c'est tout comme on a cru, avant on a cru que la personne c'est le corps. On ne savait pas qu'il s'agissait de l'esprit. That person is Christ himself. Diese Person ist Christus selbst. En fait, la personne c'est Jésus-Christ lui-même. Himself for you is different from himself for me. Und er selbst für mich ist anders als er selbst für dich. Et lui-même en pour toi, c'est différent que lui-même pour quelqu'un d'autre. It's himself for each other. Each and every one of you, they are different. er selbst für jeden Einzelnen von uns ist nicht gleich, obwohl es der gleiche Christus ist. Bon. Même si c'est le même... Bon. même si c'est le même Christ qu'en a nous tous, mais le Christ qu'il a pour toi, c'est différent que le Christ qu'il a pour quelqu'un d'autre. Amen. And that's why it's not about somebody's born again, automatic is your husband. Deswegen geht es nicht darum, dass Hauptsache die Person ist wiedergeboren, dann ist es direkt dein Ehemann. C'est pour cela, pas seulement parce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a Jésus-Christ dans sa vie, c'est pas seulement parce que la personne a Jésus-Christ que ça signifie que c'est aussi ton mari. Amen. It is not automatic that you now go out and be choosing somebody that is you believe is born again, is going tongue talker, you know. Going, you know, just know the Bible. And so, and that then is your husband. You cannot pick and choose. Ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, Hauptsache die Person ist wiedergeboren, spricht in fremden Zungen und kann alle unsere Lieder auswendig hier und dann deswegen ist das mein Ehemann. C'est pour cela, il ne s'agit pas que toi, tu puisses sortir et te dire, ok, maintenant, je veux marier qui je veux. L'important, c'est que la personne sait parler en langue ou bien qui est née de nouveau. C'est moi qui choisis. Non, ce n'est pas toi qui choisis, c'est lui-même qui choisit. Praise the Lord. Pour toi. It is like all of us here. Vivez alle hier. C'est comme nous tous ici. We all have blood. Wir alle haben in blood. Our body. On a tous du sang dans notre corps. Amen. Amen. All of us have blood. Wir alle haben Blut. Nous tous on a du sang. You know, if they bring out your blood in your body, all of us, you know, they all look the same, but they are not the same. Wir haben alle das wir haben alle Blut in unserem Körper, aber es ist nicht immer das gleiche Blut. On a nous tous du sang dans notre corps, mais c'est pas le même sang. Also the DNA in our body. They are different. Jeder von uns hat eine andere DNA. Et tout comme le DNA qu'on a dans notre corps. But they are coming from you. But this DNA is coming from you. It's coming from the. You know, you have a body. You have a body. You have the body. And all these body, they are body, but they are different. Auch wenn das alles Körper sind, sind sie alle unterschiedlich. Ne, und haben eine unterschiedliche DNA. Même si nous tous on a des corps, mais on a des DNA différents en fait. Though we have the same Christ, but it's a different relationship. Wir haben den gleichen Christus, aber unterschiedliche Beziehungen. Malgré on a le même Christ en nous, mais on a des relations différentes. Amen. He have different things for us, but the same thing. Er hat unterschiedliche Dinge für uns, aber es ist das Gleiche. Il a des choses différentes pour nous, mais c'est la même chose. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me help you to understand it this way. Amen. Christ is the blood. Christus ist das Blut. Jésus-Christ, il est le sang. And that's this blood is in your body. Und dieses Blut ist in deinem Körper. Et ce sang-là, c'est dans ton corps. And the DNA also is in your body. Diese DNA ist auch in deinem Körper. Et le DNA, c'est aussi dans ton corps. There is no one that have the same DNA. Es gibt niemanden, der die gleiche DNA hat. Et il y a personne qui a le même DNA que toi. Imagine how many people are in this world. Stellt euch vor, viele Menschen hier auf dieser Welt and sind. Different DNA. Und alle haben eine unterschiedliche DNA. Imagine combien de personnes dans ce monde et chaque personne a des DNA différents. So also, his children, no matter how many we are. Genau seine Kinder, egal wie viele wir sind. Tout comme ses enfants, peu importe. He is the one in us, but they are different. Er ist derjenige, der in uns ist, aber sie sind unterschiedlich. Tout comme avec ses enfants, malgré il est en nous, mais nous sommes tous différents. Amen. He knows the DNA for you. Er kennt die DNA für dich. Lui, il connaît le DNA pour toi. I don't know if you get it. Though he is the blood, auch wenn er das Blut ist, malgré il est le sang, he is the DNA. Er ist die DNA. Lui, il est le DNA. But the DNA, they are still different. Aber dennoch ist die DNA unterschiedlich. Mais le DNA reste toujours différent. Though he is the DNA, auch wenn er die DNA. Malgré ist. Il est notre DNA. Amen. Amen. The same Jesus. Der gleiche Jesus. Le même Jésus-Christ. But in you, based on your, you know, how he. How you cooperate with him, how your based on your relationship with him, your fellowship with him. Basierend auf deiner Gemeinschaft mit ihm und deiner Beziehung mit ihm. Donc, malgré il est en toi, mais basé sur la relation que tu as avec lui, et ça est, c'est toujours un peu différent. Though the blood, yeah, do not the blood. If you bring them out and you are seeing them physically, they are all blood. Mm. Amen. But they are still different. Wenn du das though they are blood. Blut siehst, auch wenn es unterschiedlich ist, ist es dennoch Blut. Malgré tu es capable de voir que le sang c'est le sang, malgré malgré que le sang est toujours le sang, ça a toujours une différence. I don't know if you're understanding it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What the Holy Ghost is trying to help us to understand is that He still revealed to us who our husband is, who our mate is. Er sagt uns immer noch, wen wir zu heiraten haben und wen nicht. Diese Entscheidung kommt immer noch von ihm und nicht von uns selbst. C'est que le Saint-Esprit essaie de nous faire comprendre et que c'est lui qui est en train de décider, qui est en train de choisir la personne qui est ton partenaire, qui est ta femme ou ton mari. C'est pas toi qui choisis. Your blood, your DNA, they are in you. Dein Blut, dein DNA sind in dir. Ton sang, ton DNA, c'est en toi. And you cannot separate you from them. Und du kannst dich davon nicht trennen. Et toi-même, tu peux pas te séparer de ton just DNA. Just like God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, they are one. Genau wie Gott der Vater, and Gott cannot der Sohn, separate der Gott der Heilige Geist, kannst du nicht voneinander trennen. Tout comme le Dieu le Père, le Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. C'est tout comme que c'est comme ça aussi que toi-même, tu peux pas te séparer de ton propre DNA qui est aussi le Christ en they toi. They are one. Die sind eins. Eux, ils sont un. The Christ in us is one. Christus in uns ist eins. Même le Christ en nous, c'est amen. Un. Amen. C'est seulement le même Christ. If you look at electricity, for example, oder auch wenn du dir Strom anguckst, si tu vois, par exemple, l'électricité, you can use it to do different things. Du kannst es nutzen, um verschiedene Dinge zu machen. Tu peux utiliser l'électricité pour faire choses, différentes choses. We are using it to see right now. Wir nutzen das, um zu lesen, beispielsweise jetzt gerade. On utilise, par exemple, le courant maintenant pour you can bouger. Use it to iron. Du kannst benutzen, um zu bügeln. Amen. You can use it for your refrigerator. Für deinen Kühlschrank. Tu peux l'utiliser pour repasser. That is the same electricity. Pour le frigo. Are you getting it? C'est la même électricité. Aber es ist der gleiche Strom. You can use it to watch television. Du kannst damit Fernseher gucken. Avec le même électricité, tu you peux can use it for pour AC. You can, you know, you can use it for differently, but the same. Für die Klimaanlage. The same. Aber es ist das gleiche. Amen. Tu peux l'utiliser pour différentes choses, mais c'est la même chose. So also our relationship, I explain it in another way again. Our relationship, if I have, let me say, 10 children, wenn ich zum Beispiel 100 10 Kinder children. Habe oder 100 Kinder. Amen. Tout comme par exemple, si j'ai 100 beaucoup, plusieurs enfants. Amen. Their relationship with me, they are going to be different. All of them. Sehen, werden mit mir eine andere Beziehung haben. Mais avec chacun d'eux, j'aurai une autre relation. Some might look similar, but they are not still the same. Einige Beziehungen werden gleich aussehen, aber sind nicht genau gleich. Quelques relations peuvent être similaires, mais ils seront pas la même. Praise the Lord. Amen. Maybe, I don't know. Maybe on Sunday we continue as the Lord directs us. Amen. Amen. If you still want us to go to understand it better. Amen. Praise the Lord. I know it, but how to explain it to you? Ich weiß das, aber euch das zu erklären ist. Please, if you have any questions, you are free to ask. Please. Get it.